Voilà, notre prochain intervenant est arrivé. Donc pour la prochaine heure, Manu va nous parler, de se remettre en question pour changer le système. On lui laisse la parole pour les 20 prochaines minutes. Bonjour, merci. Je débarque un peu à toute vitesse. J'habite en Bourgogne, donc le temps de faire plein de trucs et de débarquer là, mais voilà. C'est un peu bruyant, j'aurais mis un truc un peu interactif pour discuter parce que je pense que le meilleur moyen c'est que ce soit interactif et c'est quand même que ça marche, donc je vais essayer quand même. Je vais pas me présenter parce que ça n'a aucune espèce d'importance, on en parlera plus tard si ça vous intéresse, mais je pense pas que ce soit ça le plus important. La question c'est que là il se passe plein de choses et qu'on a tous envie que ça change, c'est évident, il y a plein de gens qui ont envie que ça change, mais le problème selon moi c'est que beaucoup d'entre nous, moi y compris, on a envie que ça change, sauf que nos idées, nos opinions, nos pensées, nos émotions, la plupart d'entre nous on sait pas très bien comment ça fonctionne, c'est à dire qu'on peut péter un plomb, il y en a qui vont péter des bagnoles, il y en a qui vont machin, on peut pour ça. C'est bien beau, on peut se réunir pour essayer de changer le système en créant des lois ou en créant une nouvelle constitution. Tout ça, c'est bien gentil. Mais sauf que si on ne sait pas comment on fonctionne nous-mêmes, si on ne se connaît pas nous-mêmes, est-ce qu'on est sûr des choix qu'on fait? Est-ce qu'on sait pourquoi on fait tel choix? Il y a un adage populaire qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Eh ben, les anciens, ils disaient pas que des conneries, et que très souvent, on veut faire des super choses. Par exemple, je prends un exemple à la con, tiens. C'est pas du tout politique, j'ai pas d'avis politique, c'est juste parce que c'est un exemple concret. Les communistes, en 1917, ils voulaient un monde plus égalitaire, machin et tout. Ça a donné quoi? Les purges staliniennes et machin et tout. Donc, c'est pas pour pointer du doigt, il y a plein d'autres gens qui ont fait des conneries comme ça. Donc, il y a plein de bonnes intentions, mais les gens ne se connaissent pas. Et comme nous, tout autant qu'on est, on se connaît pas vraiment. Eh ben, on a beau vouloir des choses bien, ça merde. Et c'est vrai, je veux dire, la Révolution française, c'était vachement sympa, ça a merdé. Mai 68, plein de trucs vachement bien. Je dis pas que ça a complètement merdé, mais il y a plein. La direction, bon, on en discutera après, je vous donne mon point de vue, hein, je suis là pour ça. Pour vous évoquer le point de vue jusqu'au bout, j'aimerais vous poser une question, s'il y a une ou deux personnes qui veulent répondre, juste vous demander qui vous êtes. Par exemple, me donner votre nom. Prenons, hein, c'est suffisant, et une ou deux choses qui selon vous vous définissent. S'il y a une ou deux personnes qui veulent lever la main et me dire qui elles sont, juste pour voir, pour tester quelque chose. Oui. Alors juste votre prénom et un mot qui vous définit. Oui. Bonjour, je suis très contente de pouvoir parler avec vous. Moi je m'appelle Joël et je me situe comme une décroissante. Ok, c'est ça. Un mot, une autre personne. Bonjour, donc moi je m'appelle Geoffroy, je suis développeur d'affaires spécialisé dans les économies alternatives. D'accord. Alors, donc c'est intéressant, j'ai demandé un prénom, donc ça un prénom c'est à peu près facile, tout le monde sait quel prénom le définit, vous êtes parfois en secours mais bon voilà, et un mot pour vous définir. Vous avez choisi une orientation politique, vous avez choisi votre métier, vous auriez pu dire je suis fou ou je suis libre ou je suis machin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, rien que ça, je dois proposer un mot, quelque chose qui vient. Pourquoi est-ce que ce sont ces mots qui viennent? Pourquoi est-ce qu'on choisit tel mot ou tel autre mot pour se définir? Ah, bon, vous avez une idée? Vous savez pourquoi c'est d'abord un choix politique qui vous a choisi? Est-ce que c'est le lieu? Pourquoi est-ce que c'est votre métier? Vous, quand je vous pose la question, comment est-ce que vous vous définiriez et pourquoi vous vous définiriez comme ça? Une autre question, vous avez... Oui. Vous avez. Quelle est cette évidence? Un monsieur a dit que c'est à partir d'une certaine évidence. Le prénom, je comprends. Mais même votre prénom, pourquoi ce prénom? Qui sait d'où vient ce prénom? Qui sait qui vous l'a donné ce prénom? D'accord, donc on vous l'a donné. Donc ça ne vient pas de vous. D'accord. Et alors vos opinions politiques, on vous les a données ou elles viennent de vous? Non, j'ai pas pour vous, mais c'est pour poser la question. Vos opinions politiques, elles viennent d'où? Vos émotions, elles viennent d'où? Est-ce qu'on peut vous les donner comme on vous donne un prénom? Ah, la télévision, elle fait quoi, à votre avis? Les médias, ils font quoi? Quand vous lisez un livre que vous aimez, de télévision, mais c'est pas grave, c'est très bien. Quand vous parlez avec quelqu'un, on peut persuader, on peut essayer d'échanger. Ce que je veux dire par là, c'est que la construction de nos opinions... la construction de notre pensée, la construction de nos choix sont bien plus compliqués que ce qu'on ne croit. Plus compliqués. La preuve, là, on discute de tout ça. Vos opinions, est-ce que vous savez d'où elles viennent ? Alors, je vais essayer de prendre un exemple personnel. J'ai rien préparé. Hein. Moi, je fais les choses à l'impromptu, c'est quand même que ça marche le mieux. Oh, ça se voit, c'est pas gentil. Hein. Espèce de cochon. Par exemple, il y a un truc qui marche très bien. Les goûts alimentaires. On a tous des goûts alimentaires. Il y a des choses que vous aimez, il y a des choses que vous détestez. Alors vous, vous êtes un Bouddha, c'est très bien. Les Bouddhas, on en parle après. En général, il y a des choses qu'on n'aime pas du tout. Moi, par exemple, la cervelle, je ne suis pas du tout un grand fan de cervelle. Ou les vers de terre, j'ai un peu de mal. On est conscient que c'est purement culturel. Ça n'est pas un vrai goût. Quand vous êtes enfant, vous arrivez devant un vers de terre, vos parents font « Ah, touche pas, c'est dégueulasse !» Alors vous avez l'horreur de vos parents qui s'imprègnent dans vos tripes. Quand vous voyez un vers de terre, ce dont vous vous souvenez, c'est pas votre goût, c'est la réaction de vos parents. Alors, à quel point est-ce qu'il y a des réactions comme ça en vous que vous ne connaissez pas et qui dictent votre vie ? Si ça dicte votre vie, est-ce que ça ne dicterait pas notre société ? Et donc, ma question, parce qu'en fait, moi, ce que je fais de ma vie, c'est ça, c'est essayer de me remettre en question de façon à ce que quand je fais des choix, je dis pas à 100% parce que je me plante comme tout le monde, mais autant que je puisse, je sois conscient de ce que je fais. C'est-à-dire que quand je vais dire une connerie, eh ben, je puisse dire à quelqu'un, oh merde, excuse-moi, j'ai vraiment dit une connerie, je me suis laissé emporter, machin et tout. Quand je dis un truc intelligent, eh ben, que j'ai la chance de le savoir. Ça m'arrive parfois. Donc là, on est en train d'essayer de changer le monde. Bon, il n'y a plus personne derrière moi, j'étais surpris, je pensais qu'il y aurait encore une plein de monde. On est en train d'essayer de changer notre société. Mais si on ne se connaît pas, alors la question c'est, comment est-ce qu'on peut faire pour se connaître ? Bon, déjà non, avant ça, est-ce que vous comprenez, est-ce que ça vous parle ce que je dis ? Est-ce que vous savez, s'il y a des gens à qui ça parle pas, est-ce qu'il faut que je donne plus d'exemples ? Est-ce que c'est clair sur le fait que nous avons plein de fonctionnements, tous autant qu'on est, on a plein de fonctionnements inconscients qui dictent nos choix ? Est-ce que ça vous semble clair ? Ah, on le sait ? Oui ? Alors, monsieur dit, on est en 2016. Je parle pas de Freud, mais c'est très bien. Je vous prends pour personne, monsieur. Est-ce que vous avez vu ? Alors. Oui. Là, mais laissez-moi, vous en faites pas. J'ai les reins solides. Monsieur, qu'est-ce que. Monsieur, bien sûr, c'est évidemment d'actualité ou pas, selon monsieur, ou vous, pas d'actualité. Pour vous, c'est tellement vieux que ça n'a plus aucun intérêt d'en parler. Maintenant, est-ce que vous auriez la gentillesse d'enlever vos lunettes de soleil un instant, voilà, et de regarder autour de vous. Regardez ces messieurs de la maréchaussée, les gens qui vivent dans la rue, comment les gens s'habillent, comment les gens dans le métro ont peur de se parler. Regardez comment les gens font. Est-ce que vous avez l'impression que. Cette connaissance de soi qui vous semble évidente pour vous, et franchement je vous bénis si c'est le cas, est-ce que ça vous semble être un savoir aussi diffusé partout et que tout le monde applique ? Oui ou non ? Est-ce que tout le monde applique tellement bien la connaissance de soi que notre partage entre nous est quasi de l'ordre de l'harmonie ? Pardon ? Oui ou non ? Non, oui ou non ? Là, on va pas tortiller du cul, hein. Vous m'avez dit que c'était un savoir. Non, mais je suis cool, mais simplement j'aimerais que tu accélères un peu si tu veux, parce que c'est intéressant. Donc, attends. Donc, si tu traînes trop les pattes sur les 20 minutes pour expliquer la base que 80% des gens... Tu vois ce que je veux dire ? Je suis très intéressé par la suite, c'est tout. Je voulais que tu accélères. Voilà. Monsieur voulait que j'accélère. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Monsieur, est-ce que vous avez conscience que là, quand vous parlez... Vous parlez avec une méconnaissance de vous-même et une méconnaissance de l'autre terrible. Et je dis pas ça pour vous attaquer. Et si, parce que prenez conscience que vous avez cette connaissance-là et que là, ça... Madame, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur. Bon, peu importe si vous écoutez pas, puisque vous voulez pas écouter. Vous avez une connaissance de vous-même qui... Non, mais vous avez une connaissance de vous-même. Tout le monde ne l'a pas. Ce que je dis là, tout le monde n'est pas au même niveau de conscience des choses. On a tous des compréhensions des choses qui sont différentes. Et donc, il faut bien... Je prends un discours qui essaye d'être... Voilà, je ne sais pas qui est là. Je ne vais pas faire une interview de chacun avant de faire mon intervention. Donc, voilà. Donc, on a repris. Nous avons tous en nous des bases inconscientes. Ces bases inconscientes dictent nos choix. La question est comment est-ce qu'il est possible de faire cette remise en question ? faire cette remise en question, il y a énormément d'outils que l'être humain a mis en place depuis extrêmement longtemps. Donc ça, on en discutera un petit peu après. En conclusion, je vous dirai un peu tous les outils qui peuvent exister. Le problème de la remise en question, c'est qu'il faut déjà réussir à prendre conscience des freins, des problématiques qu'on a et comment ces problématiques-là influencent, donc là en l'occurrence, notre changement de la société. Je vais prendre des exemples qui sont un peu durs, mais c'est vrai. Si on est des personnes, si on est quelqu'un qui galère pour avoir de l'argent, qui galère pour avoir du boulot, de la sécurité, c'est évident que nos priorités dans la société, ça va être ça. Est-ce que c'est mal ? Non. Mais est-ce que ça peut perturber une partie de nos choix ou de notre logique ? À votre avis, si vous crevez de faim, si vous voyez les autres qui ont des affaires que vous, vous ne pouvez pas avoir, ce n'est pas la sécurité. Est-ce qu'à votre avis, ça influence ça ? Or, c'est important que quand on en est à des problèmes qui sont vitaux, eh ben, malheureusement, c'est là où on a le plus de boulot à faire pour ne pas tomber dans des extrêmes ou dans des erreurs de choix quelconques politiques, parce qu'on a l'impression que ces raccourcis vont nous aider. Mais il n'y a pas que ça. Bon, je vais reprendre l'exemple de monsieur, mais c'est pas dans le sens monsieur en particulier. Mais quand on a soi-même un certain confort intellectuel, un certain confort de vie, un certain confort de plein de choses, de travail, d'amis, des amis qui vous soutiennent, un environnement social qui est très positif, il y a des difficultés dont on n'a même pas conscience. C'est-à-dire que même si on croit les connaître, on n'en a pas conscience. Et donc on risque de faire des raccourcis politiques et des raccourcis de choix de société qui sont pareils. Est-ce que ça vous semble clair ? Et je sais que ce que j'ai l'air de dire semble vraiment simple et peut être pour certaines personnes complètement vraiment simpliste. Ne vous méprenez pas, ce que je dis est simpliste. Le mettre en application dans sa vie est extrêmement compliqué. Parce que le mettre en application dans sa vie, ça implique d'être intègre. Être intègre, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la définition du terme, j'insulte personne, moi là-bas je suis journaliste scientifique, c'est mon premier métier, et mon principe c'est que c'est bien d'oser dire qu'on ne sait pas. Donc il y a peut-être des gens, on ne peut pas lever la main, on s'en fout, hein. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que veut dire être intègre. Être intègre, c'est très simple, ça veut dire je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Par exemple, je n'aime pas la souffrance animale, je suis devenu végétarien. J'aime pas la souffrance animale, je n'aime pas les répercussions sociales de notre système alimentaire, je suis devenu végétarien. C'est un exemple concret. Mais je porte du cuir. Excellent point. Je porte du cuir, je porte même mes chaussures en cuir. Alors il y a un moment où j'ai été... mais c'est très bien parce que c'est ça l'idée. Il y a un moment où je me suis confronté à une réalité. Toute notre société ne fonctionne pas comme je fonctionne. Donc j'arrivais pas à trouver des choses sans cuir qui me conviennent, ou j'arrivais pas à trouver, où j'avais des vieux vêtements à moi en cuir. Est-ce que j'allais tout jeter et du coup racheter des choses ? Ah non, il y a un moment, c'est absurde. Donc il y a un moment, il faut faire preuve de ne pas être dans un extrême. Si on est dans un dogme, et dans ces cas-là, je remets en question mon souhait personnel d'être végétarien pour essayer de trouver un équilibre logique, harmonieux. Et donc je me remets en question même mon point de vue à moi, où moi je me dis merde, j'ai pas envie de participer à ces abattoirs, à tout ça, je le remets en question. Exactement. Très bon. J'ai l'idée, monsieur a dit, je fais la limite entre intègre et intégriste. Le côté végétarien, le côté vegan, tout ça, c'est un point que moi je prends cet exemple exprès parce que ça perturbe énormément de gens. Comment faire ? Ben, je vais vous dire, moi je voyage parfois pour mon boulot, je me retrouve dans des endroits où je crève de faim ou même les gens qui m'invitent me donnent à manger de la viande. Est-ce que je vais refuser ce qu'on m'offre sous prétexte que je suis végétarien ? Ah ! C'est mon expérience personnelle. Au fin fond de la Mongolie, les gens ils mangent que de la viande, ils ont que ça. Est-ce que je vais leur cracher leur accueil à la gueule en leur disant moi je mange pas de viande alors que la chèvre ils l'ont égorgée devant moi et les tripes sont à peine cuites. Je peux vous dire on est plus d'un à avoir gerbé. Enfin voilà, peu importe. Je les ai mangés et je les ai mangés avec respect. Il faut et donc ce que je veux dire par là, c'est que même quand on a des points de vue qui semblent bons. Parce que c'est cela les plus difficiles à remettre en question. Remettre en question quand on est un gros crétin, bon, sauf ceux qui veulent pas se remettre en question. Mais quand on a des choses vraiment connes et que les gens autour de nous les remettent en question, il y a un moment, si on est un peu intelligent, on le fait. Le plus dur pour faire le travail qu'on veut faire là, c'est de remettre en question nos bonnes intentions. C'est de remettre en question les choses bonnes qu'on veut faire, c'est-à-dire vérifier quelle est l'intention derrière cette chose bonne qu'on veut faire. Je vais essayer de reprendre un exemple. Je prends les exemples qui me concernent moi, hein. Je ne prends pas les exemples des autres parce que je ne peux parler vraiment que de moi. C'est la seule façon d'être intègre. Par exemple, j'aurais dû travailler mes exemples, vous avez raison, mais ça c'est pas ça, je savais pas de quoi j'allais parler. Par exemple, moi ce que je voulais faire, au début je voulais monter une ferme, je suis en train de construire une ferme à la campagne. Et au début, je pensais faire plein de trucs vachement bien, faire de la permaculture, planter plein de trucs, aider le village, machin et tout. Au bout d'un moment, je me suis rendu, j'étais en train de m'épuiser, de péter un plomb, perdre le fric que j'avais, voilà et tout. Je me suis rendu compte qu'une partie de la raison pour laquelle je voulais le faire, c'était parce que ça faisait bien, quand je tchatchais avec les gens, de dire « Ouais, je fais une ferme en permaculture, ça a de la gueule, machin et tout. » C'est un exemple lambda, encore une fois. Mais c'est, je trouve que les exemples, mais c'est vrai. Et il y avait une part de moi qui voulait pouvoir se la raconter. J'ai rencontré des fermiers du coin, bah, je vais vous dire, j'étais à mille lieues de pouvoir bosser comme ils bossent. Bon, j'ai changé mon projet, je travaille différemment, je fais les choses plus simples, ça va autrement. Et je me suis rendu compte qu'un de mes talents, c'était plus d'ouvrir ma bouche avec les gens du coin que de cultiver. Donc je fais un peu, je vais lancer de la culture là, mais c'est pas là-dessus que je vais travailler le plus. Parce que je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je voulais faire mon truc, c'était un fantasme. C'était l'idée que c'était bien d'être agriculteur, c'était l'idée que j'allais changer les choses en faisant mon truc. Mais mon intention, elle semblait bien. Quand j'en parlais aux gens, ils avaient des petites étoiles dans leurs yeux, ils trouvaient ça vachement bien. Alors vous aussi, la question c'est que toutes les choses bien que vous voulez faire, c'est quelle est l'intention derrière? Et ça, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile de remettre en question notre intention de faire les choses, même quand elles sont bonnes. Moi, j'aime beaucoup les nuits debout. Je trouve que c'est vachement bien comme mouvement. Mais je trouve, pour l'instant de ce que j'en ai vu, hein, je suis venu quelques fois parce que j'habite loin, je trouve qu'il manque ça. Il manque une profondeur dans l'action, c'est-à-dire une capacité de se dire, on ne sait rien, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait même pas qui on est, on ne sait même pas comment on fonctionne. Comment est-ce qu'on va créer cette société à partir de ça? Au lieu de se dire, mais évidemment il y a tous ces crétins là-bas qui font plein de choses, je dis à les crétins au loin, les grands chefs, mais ils ne savent pas plus. Il s'avère que par mon métier, j'en ai rencontré plein. J'ai interviewé 4-5 mecs du CAC 40, des gens des ambassadeurs, un ancien gars de la CIA. Et vous savez quoi, c'est ce que je dis une fois là, ils sont bêtement humains. Et ils savent pas plus. Le vrai pouvoir que nous pouvons avoir, c'est que nous avons moins d'entraves pour apprendre qui nous sommes. Nous avons moins de prisons pour apprendre qui nous sommes. Est-ce que vous savez c'est quoi la plus grande prison pour apprendre qui on est? Est-ce que quelqu'un a une idée? Savoir quelle est une des choses les plus difficiles pour savoir qui on est? Est-ce que quelqu'un a un point de vue? Vous voulez dire? L'éducation pour vous est un frein? Ou c'est le manque d'éducation? Le fait de l'avoir de l'éducation ou de ne pas avoir d'éducation? Pardon? Alors voilà, monsieur dit qu'une mauvaise éducation peut nous empêcher de nous remettre en question. J'aurais tendance à dire que j'emploierais plus le terme culture qu'éducation. C'est-à-dire qu'un manque de culture et d'ouverture, effectivement, il y a un moment où on peut être fermé si intellectuellement on est trop fermé. Mais trop d'éducation, à mon avis, peut aussi complètement fermer l'esprit. Mais je vois ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il y a autre chose, à votre avis, qui est un grand frein? Ah, terrible! Avoir du pouvoir. Alors, avoir du pouvoir, c'est un des pires freins pour se connaître soi-même. Pour vous dire, beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui étaient blindés de fric et blindés de pouvoir, eh ben, ils en chiaient un peu grave, non pas dans leur vie, hein, mais dans leur tête et dans leur cœur, je vous promets. Et quand je leur disais que je construisais ma maison dans la campagne, putain, ils en pleuraient d'envie. Et au moment où dans leur tête, ils pouvaient se dire, ah, je pourrais le faire, il y a tout leur pouvoir qui leur chopait les tripes. Parce qu'ils sont complètement accros à tout ça. Et donc, ils sont complètement prisonniers. Alors évidemment, quand on est dans la merde, on peut pas imaginer que leur vie soit galère. Elle n'est pas galère, leur vie, ils ont plein d'avantages. Mais ils sont en prison. Et alors, ce que je vais dire, de la part de quelqu'un qui a beaucoup d'avantages dans sa vie, peut paraître une insulte. Et donc, je reconnais la limite de ce que je dis, parce que j'ai plein de choses bien, et j'ai l'avantage, ça marche bien pour moi, machin et tout. Donc, je reconnais d'emblée la limite de ce que j'ai à dire. Mais malheureusement, quand on dit que quand on possède peu, on est beaucoup plus libre, c'est pas dans le but de se dire il faut tout lâcher, mais c'est qu'on n'a pas... On n'a plus rien à perdre. La chose, c'est que si vous n'avez plus rien à perdre, mais que vous désirez ce que les autres ont, eh bien, vous êtes dans la même prison qu'eux. C'est là le piège, et c'est très compliqué. Ce que je dis là paraît très simple, et c'est pour ça que j'y vais tout doucement, monsieur, hein, je suis désolé, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous avez peut-être très peu de choses, peut-être que vous avez eu très peu d'éducation, et même vous avez reçu très peu de culture autour de vous. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez rien. Vous partez et vous avez des freins, des difficultés, des peurs. Eh ben, il faut réussir à trouver des gens avec qui réussir à apprendre à se connaître pour construire une autre société. Ça, c'est comme ça que moi je sens les choses et que je les perçois. Oui. Merci. Oui, moi je voulais juste réfléchir peut-être à une distinction entre pouvoir et domination, en fait, dans le sens où il me semble que le pouvoir en soi, c'est pas forcément quelque chose de négatif, dans le sens où des personnes ou des groupes opprimés, en tant que résistance ou pour se sortir d'une domination, la question c'est justement de se réapproprier un certain pouvoir. Et ce pouvoir peut être émancipatoire, collectif, et voilà, c'était juste une petite nuance comme ça peut-être à apporter. J'entends, donc le point est très juste. En fait, le terme de pouvoir, c'est un peu vaste. L'idée, c'est vraiment de parler de la domination et du plaisir. Mais il y a aussi le pouvoir lui-même, parce que même le pouvoir obtenu, justement, on dit toujours que le pouvoir corrompt. Et c'est difficile quand on se retrouve avec une influence sur les autres. Moi, je vais vous dire, quand j'ai parlé devant l'Assemblée de tout le monde, là, la semaine dernière, putain, j'en suis sorti, j'étais électrisé. C'était tellement excitant d'avoir tous ces gens en face. Je me suis dit, putain, je vais faire homme politique, quoi. Ah, il a tchatché, machin et tout. Et c'est vachement... C'est très difficile de percevoir le piège et la drogue derrière tout ça. Donc, le point que je voulais apporter avec tout ça, pour conclure, parce que je dois être pas loin des 15 minutes ou un truc comme ça, après, on peut discuter. Le point que je voulais apporter avec tout ça, c'est quoi? C'est qu'on est là, nombreux, parfois plusieurs milliers, à vouloir changer les choses. La question est, est-ce qu'on commence par le bon bout du problème? C'est bien de se protéger. C'est très important de dire stop quand le gouvernement et tout ça enlève des libertés. C'est extrêmement important de se rassembler et de dire stop. Je ne dis pas le contraire. C'est essentiel. Une fois qu'on a dit stop, est-ce qu'on prend le problème par le bon bout? Est-ce que acheter un miroir et se poser la question, est-ce que je me connais vraiment? Est-ce que je sais quelles sont mes peurs? Qu'est-ce qu'il y a dans mon éducation qui me dirige et qui m'emmène vers de la merde? Je le dis franchement. La façon dont on a été éduqué, la façon dont on est allé à l'école, la façon dont nos parents nous ont parlé nous influence. Ce qu'on a regardé à la télé quand on était gamin nous influence. Tout ça nous influence. Est-ce que vous savez ce qui vous influence? Ma question est simple. Est-ce que vous savez réellement, en allant au fond de votre enfer personnel, là où ça pue au fond de vos tripes, est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce qui vous influence? Et est-ce que vous êtes capable, avec intégrité, de créer une société à partir de ça? Voilà en gros la question que je vous pose et ce que j'ai envie de partager avec vous. Au niveau des outils, je propose d'en parler à la fin, de reprendre le micro 5 minutes à la fin pour vous dire liste des outils, parce qu'il s'avère que l'être humain est génial et on a tous les outils pour faire ça. On a tout ça. Et depuis des milliers d'années, hein, ça fait des milliers d'années qu'on sait comment pas être des cons. Mais bon, on est un peu à l'ouest, alors on préfère picoler et raconter des conneries entre nous. Alors sérieusement, je vous pose la question et c'est comme ça que j'aimerais lancer le débat. Est-ce que vous savez réellement qui vous êtes suffisamment bien pour construire une société à partir de ça? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre le micro à partir de ça ou je crois que c'est l'idée de faire un débat, c'est ça? Il y a un point essentiel, c'est le regard des autres aussi. Comment savoir si on est... comment se remettre en question? C'est le regard des autres, c'est discuter avec les autres, avec des gens qu'on connaît pas, arriver avec sa gueule et dire bonjour, je suis un tel, je fais ça, toi t'es qui, tu fais quoi, et simplement discuter. Et ça c'est une occasion que Nuit Debout offre et j'ai vu plein de gens en bénéficier simplement à se promener, à aller d'un groupe à un autre, à discuter, à boire une bière, fumer une cigarette qui fait rigoler. Des choses comme ça, écouter du djembé, mais simplement discuter entre eux et se remettre en cause parce que ils ont le regard des autres sur eux et ça leur permet de se remettre en cause et donc bah, de remettre en cause l'ensemble. Après, est-ce que ça permet de changer le système, pour reprendre le titre? Pas forcément, mais est-ce que l'objectif c'est de changer le système ou est-ce que l'objectif c'est de changer les gens et quand on change les gens, on change le système? Alors, c'est très juste, la confrontation à l'autre peut être une occasion de se remettre en question. Je dis bien peut-être, parce qu'on a très souvent, et moi j'ai été très longtemps comme ça, donc je suis le premier à l'avouer, moi j'adorais m'écouter parler. Donc j'allais rencontrer les gens pour m'écouter parler. Et on est combien à faire ça? À aller rencontrer les autres, et puis on est là, on fait notre petit truc, blablabla, blablabla, et puis l'autre il fait son petit blabla, et puis quand on part, en fait, on n'a rien échangé. Est-ce qu'on sait réellement écouter? Combien d'entre nous savent réellement écouter? Quand je dis écouter, ça veut dire ne pas être dans le jugement, connaître sa propre position, et être capable de recevoir pleinement ce que dit l'autre. Et là, je vais vous dire un truc terrible, je sais que la dernière fois j'ai dit ça, même si c'est un flic, et même si c'est un homme politique pourri, même si c'est un mec d'extrême droite, est-ce que vous pouvez accueillir dans votre cœur, sérieusement, sincèrement, écouter un mec jusqu'au bout s'il est d'extrême droite? Ma question, c'est si vous ne pouvez pas, comment est-ce que vous pouvez réellement espérer que cette société change? Parce que les mecs qui sont les plus désespérés, c'est eux. C'est tous les mecs qui sont... Voilà. Or, si on n'est pas... Il y avait même un mec qui avait écrit un texte super sur Facebook qui disait « Nous sommes tous d'extrême droite ». Eh ben, moi, je trouve ça normal, messieurs les policiers. Je suis ravi que vous soyez là parce que je trouverais ça important que vous soyez plus nombreux parmi nous. Parce que vous savez quoi? Vous êtes des êtres humains, comme tout le monde. Et vous aussi, vous avez les mêmes envies que nous. Et pour moi, c'est extrêmement important. Et ce que je dis là, le thème de la société, de la discussion, c'est comment se remettre en question soi pour changer le système. Et ça implique tout le monde. Ça implique notre capacité à écouter l'autre, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Est-ce que, et quand on est intègre, l'intégrité, ça veut dire que vous parlez du fait de rencontrer l'autre. Quand on rencontre l'autre, très souvent, il y a plein de trucs qui se passent. Il y a une alchimie de taré dans notre cerveau. Par exemple, moi, j'arrive là. Il y a des gens, et on est tous différents, on ne regarde pas les mêmes choses. Il y en a, ils vont entendre ma voix. Il y en a, ils vont voir mes cheveux longs. Il y en a, ils vont voir mon truc de babos à la con. Il y en a, ils vont voir que j'ai une petite barbe un peu de bobo. Et les gens, ils vont poser un jugement là-dessus. Mais tous, on est pareil là-dessus. Est-ce qu'on est conscient de ce jugement qu'on pose tout de suite, qui va tellement vite qu'on a déjà un avis sur la personne avant même de l'avoir rencontrée? On est tous comme ça. C'est très difficile. Après, on est plus ou moins en fonction du niveau de conscience qu'on a. Mais on a cette base-là. Si la personne sent mauvais, le mec il vit dans la rue, il sent mauvais. Vous n'allez pas avoir un premier réflexe inconscient de ah il pue. Eh ben le mec il sent mauvais, c'est comme ça. Est-ce que vous allez réussir à l'accueillir bien et à écouter ce qu'il a à dire? Et même si son propos est complètement débile et que le mec ce qu'il raconte ça n'a ni queue ni tête, mais que pour un moment il a besoin de parler avec vous, est-ce que vous allez pouvoir l'accueillir? Se connaître soi-même, ça passe par deux choses. Ça passe par s'accueillir soi-même, c'est-à-dire, je vais employer un terme qui est terrible pour les gens, surtout quoi, hein, se donner de l'amour, s'accueillir, c'est-à-dire se connaître suffisamment, y compris les côtés les pires, parce que se connaître sur les côtés les bons, c'est, mais les côtés les pires, ce que vous faites de pire dans votre vie que vous n'arrivez même pas à vous avouer à vous-même, c'est ça le principe. Et donc l'autre peut être un miroir, l'autre c'est tout ça. Et ça, c'est parfois, on est piégé par l'autre parce qu'on veut correspondre à quelque chose pour l'autre. Donc c'est compliqué. C'est un premier pas qui est bien, l'autre, mais il y a quand même un travail à faire sur soi. Peut-être. Je ne suis pas très culturel. Non, je disais juste que c'était Saint-Augustin. Mais quelqu'un d'autre veut parler, probablement. Bon bah, moi je suis super contente que tu parles de ça, de se parler vraiment, je trouve ça cool. Et par rapport à ce que tu disais, un gars d'extrême droite, ça m'est arrivé une fois en stop en fait, c'est un facho qui m'a pris en stop, mais un facho vraiment quoi, intellectuel dans sa tête, et on discute, au bout de deux minutes il fait « Oh je suis un facho, je suis ah tu sais quoi, je suis antifa moi ». Et donc silence blanc et tout, après je me suis dit « Bon voilà, je pragmatise, j'ai 200 bornes à faire avec lui et tout, je peux me faire déposer au bord de l'autoroute ». Et on a discuté, mais on a vraiment discuté, parce qu'il voulait me convaincre au début. J'ai dit non, lâche l'affaire et tout, parle-moi de pourquoi t'es devenu comme ça. Et là, on a vraiment parlé, et ce gars, en fait, il avait très un truc supériorité intellectuelle dans sa tête, mais par rapport à tout le monde. Et aussi, surtout, il voyait, en fait, il me disait, il était un peu du style, ouais, j'aime pas les noirs, mais j'ai un ami noir, quoi. Et je lui dis, en fait, les blagues, tu les aimes bien, t'as rien à foutre, c'est juste que le problème, dans ta tête, tu veux un groupe ennemi et tu dis que c'est les noirs, mais ceux que tu connais vraiment, tu les aimes bien. Et le mec à la fin il fait bah ouais. Et donc du coup voilà, c'est, on peut vraiment se parler. Et je pense que il va pas forcément arrêter d'être facho comme ça, mais c'est un petit truc que ça aide à lui se remettre en question et se regarder en face quoi. Mais par rapport à ce que tu disais aussi, je pense que c'est se regarder en face, mais voilà, le faire vraiment et vivre les choses pour vraiment les vivre. Pas juste être dans quoi, où tout le monde veut faire la révolution, c'est cool et tout, mais tout le monde veut protéger la nature et tout. Mais moi, j'étais un peu en Espagne à un moment, et le nord de l'Espagne, les carrières de l'Espagne, on voit, voilà, ils extraient les matières premières, ils coupent toutes les forêts, et ben voilà, maintenant, je me dis, ouais, quand j'achète un truc, ou du plastique, ou je sais pas quoi, je sais que ça vient de la terre, et que le truc, ça le bousille. C'est pas juste, ouais, c'est pas bien, ça pollue le plastique et tout, et si je le mets à la poubelle, ça va rester dans le sol quand même, quoi. C'est vraiment Mais c'est bien de parler de ça parce que c'est pas facile à expliquer. Parce que tout le monde en France, on est tous dans un état d'esprit où on fonctionne un peu tous de la même manière, tous dans nos contradictions, tous on est un peu perdu, machin, on est un peu dans le faux, dans les autres. Et quand on va voir vraiment le fond des choses, c'est là qu'on se rend compte qu'on peut avoir du pouvoir sur soi-même et sur les choses en général parce que on change de point de vue par rapport à nous-mêmes. Et du coup, on se rend compte qu'on peut changer, qu'on peut. Après, on pourrait être dans encore autre chose. Et collectivement, encore dans encore autre chose qu'on n'imagine même pas, parce que là, pour le moment, on est trop dans ce qu'on est encore maintenant. Et c'est ça qui est, je pense, important à avoir en tête, quoi. On va prendre les deux dernières interventions juste là, et Manu, on va te laisser clore, parce que notre nouvelle intervenante est arrivée. Voilà. Merci d'avoir parlé ainsi, c'était très agréable à entendre et très instructif. Je me permets donc de recevoir ce message et d'essayer de dire que moi aussi j'ai quelque chose au fond de moi qui m'interroge, et souvent je me demande finalement est-ce que j'ai une capacité de jugement autonome. Et face à beaucoup de gens avec qui j'aimerais parler, certainement sur cette place, j'entends un message potentiellement contradictoire avec cela, qui dit tu es avant tout un individu qui hérite de valeurs, qui hérite, mais tu n'as probablement pas de capacité autonome de juger. Je pense que sur cette place il y aurait un débat à faire là-dessus, parce qu'à mon avis il y a des gens contre et des gens pour. Voilà. Et par exemple, donc l'approche de changer d'abord le système plutôt que de changer d'abord l'individu, c'est reconnaître qu'il n'y a pas de capacité de jugement dans l'individu. Il faut donc d'abord changer le système. Les autres diront non, d'abord changer l'individu en croyant qu'il y a cette capacité de jugement. Voilà. Et c'est vrai que c'est très difficile de décider, finalement, de décider. Hein. On a ce qu'on appelait l'amour de soi, d'abord. Et donc, est-ce que c'est suffisant pour croire qu'on a cette capacité de jugement? Puisque cet amour de soi, c'est avant tout un sentiment, mais est-ce qu'on peut... Bon, voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Oui, donc j'ai visé aussi sur la question du pouvoir. Et bon, alors je vais essayer de faire court et structurer et revenir sur l'idée de se connaître soi-même. Enfin, plus je parle avec des gens, et c'est pas depuis la nuit des bouts, depuis longtemps, plus je vois que même le type qui est le plus à fond dans le système, c'est-à-dire qui est actionnaire de plein d'entreprises, qui travaille 35 heures par semaine, qui fait ses heures sup pour derrière gagner encore plus d'argent, il se rend compte, et en ce moment notamment, mais ça va augmenter au fur et à mesure du temps, il se rend compte qu'il est en train de passer à côté de quelque chose qui lui est essentiel dans sa vie. Il est en train de se dire, merde, je suis quand même en train de rater quelque chose. Et malgré le fait que j'échange plein de choses avec plein de gens, il y a quelque chose derrière qui fait que je me pose la question de qui suis-je, quel est le véritable pouvoir que j'ai, et pas simplement le pouvoir de dominer sur l'autre, mais aussi qu'est-ce que moi je peux faire pour changer mon être et comment améliorer les êtres des autres. Je vais venir sur le travail qui fait une autoroute extrêmement simple jusqu'au point de rupture fatale sur lequel tous les problèmes sont centralisés et sur lequel tout tourne autour de ça. Très bien illustré. Le point de problème le plus fatal, c'est l'échange face au don. L'être contre l'avoir. L'échange permet d'avoir, de posséder. Le don ne va pas permettre de posséder. Si quelqu'un vient et nous donne quelque chose sans rien en retour, il va nous donner quelque chose dans le but de produire ma vie, ou de faire en sorte que moi je puisse produire ma vie, ou que je puisse reproduire ma vie. Le point de rupture fatale, à travers le travail, vous échangez votre corps, votre capacité, votre pouvoir, contre de l'argent, et en échange de toute cette frustration que vous allez combler, vous allez gagner plein d'argent, et vous allez combler toute cette frustration à travers des faux plaisirs. Tous ces faux plaisirs ne sont que des marchés. Je vais partir en vacances parce que j'ai travaillé très longtemps pendant toute l'année pour essayer de fuir tout ce moment de frustration que j'ai vécu pendant longtemps, essayer de vivre de manière extrêmement intense à travers des échanges, un faux plaisir. La personne qui est heureuse, elle n'a pas besoin de partir en vacances. Elle vit le produire et le reproduire la vie. Elle est dans le don. Le don, l'amour fait l'être. L'échange, l'avoir décompose l'être. Il le décompose, il le rend perfide. On est capable d'accepter des pommes, même si elles sont un peu pourries, contre peu d'argent. Parce que il va y avoir un intérêt derrière. ce qui va être profondément humain, ce qui va faire qu'on va être capable de nous retrouver, c'est qu'on va être, c'est le moment où on va être capable de se détacher de cet intérêt et de se revenir sur la question fatale de qui suis-je, qui est l'autre, en quoi moi je suis un autre l'autre et en quoi nous sommes éternels. Parce qu'au final, une autre personne qui meurt devant moi va me faire prendre conscience de moi que du fait que je suis vivant. Et donc la mort de l'un n'est qu'une autre forme de vie qui va s'intérioriser et s'extérioriser différemment. Voilà. Donc nous avons tout décomposé à travers différentes structures de savoir pour combler les manques et pour combler le fait que bon bah on est naturellement frustré parce qu'on est naturellement prédisposé à échanger avec l'autre dans tout notre mode de vie. Mais tant que le système capitaliste continuera à grandir là-dessus, nous prendrons conscience que nous passerons à côté de quelque chose. Et le jour où le capital ne pourra plus supporter sa propre production, il y aura un mouvement radical de vie qui va se mettre en place et qui va abolir de manière stricto sensu le capital. Le capital étant basé sur l'échange, l'échange pour grandir a besoin de religion à travers l'État, la nation, à travers plein de choses pour combler ses frustrations. On a vécu des milliers et des milliers d'années dans le don. Et quand je vous dis des milliers d'années, c'est plusieurs dizaines de milliers d'années dans le don. Voilà, je vais finir là-dessus. Alors, pour un exemple simple, il y a une femme, on a découvert son squelette, c'est une femme paléolithique qui est morte à 32 ans et qui était dans l'incapacité de boucher autre chose que sa tête. Si vous naissez aujourd'hui dans l'incapacité de boucher autre chose que votre tête, que vous n'êtes pas capable d'échanger votre valeur de travail, vous n'êtes rien. Au mieux, vous pourrez servir à notre société pour qu'elle puisse s'acheter une bonne conscience, montrer aux autres qu'elle est bonne parce qu'elle elle solidarise et elle lui donne de l'argent pour qu'elle puisse acheter. Mais elle va rester un moyen d'échange. Cette dame-là, on l'a fait vivre jusqu'à 32 ans. Il n'y avait pas d'échange. On a continué à la caresser, à la chérir, à la nourrir. Et donc voilà pour finir. Il y aura un mouvement radical de vie qui ne va pas naître après Nuit Debout, qui a déjà existé depuis très longtemps, alors qui passe à travers les présocratiques, le Jésus, Hegel, Marx, et qui va continuer à grandir, qui aujourd'hui passe par Francis Cousin, donc je vous notez la référence, Francis Cousin, qui est le prolongement de cette lutte radicale, et qui vous explique que tout est basé sur l'échange, et on ne pourra pas changer le système, on pourra au mieux changer notre manière d'échanger avec les autres. Mais ce qu'il va falloir abolir, c'est l'échange. À bas le capital, à bas l'échange, vive l'amour, vive le reproduire, la vie. Voilà, merci. Super. Bah, on va laisser Manu répondre et conclure. C'est rapidement. Moi, j'ai pas grand-chose à répondre. Je suis pas un grand théoricien. Donc voilà, moi, je suis pas un théoricien. Je réfléchis pas aussi loin que ça. Je vois ce qui se passe pour moi. Je peux que parler de ma propre expérience. Ce qui se passait il y a 10 000 ans, j'en ai aucune idée, j'y étais pas. Et ce qui se passera plus tard, là où je te rejoins, c'est que avec un peu de chance, ça va se casser la figure. Moi, ce que je crains, juste pour dire pourquoi j'ai eu envie de parler de ça, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de colère, il y a plein de gens qui en ont plein le cul, il y a des peurs et de la colère. Je pense pas qu'on puisse construire une bonne société basée sur la peur et la colère. Ça, c'est ma première idée. Or, si on veut dépasser la peur, la colère et la frustration, tu as parlé de frustration, si c'est la peur, la colère et la frustration qui nous guident, on va dans le mur. Voilà, pour moi, c'est aussi simple que ça. Pour ne pas être guidé par sa peur, sa frustration et sa colère, il faut se connaître soi-même. Pour savoir reconnaître quand c'est notre peur ou notre colère qui parle. Pour savoir se connaître, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein d'outils. Il y a énormément d'outils qui ont été inventés par l'homme, malheureusement pas toujours bien utilisés. Ces outils, on les connaît tous et parfois ils ont un peu un goût de merde parce qu'ils ont été aussi détournés par notre société. Donc c'est difficile de les trouver. Je vais en citer quelques-uns. Vous avez le droit de me jeter des pierres, c'est pas grave, hein, je le vis bien. Un des premiers trucs qui a été inventé il y a très longtemps par un mec, c'était la méditation. La méditation, alors il y a plein de gens qui croient que c'est religieux, ça n'est pas du tout religieux. On retrouve la méditation dans toutes les religions. La preuve que ça se trouve partout, chez les chrétiens, en islam, il y a de la méditation, chez les bouddhistes. On la retrouve dans les danses des derviches tourneurs, mais on la trouve aussi dans les communautés chamaniques. Donc c'est quelque chose qu'on trouve de partout. Et il y avait de tout temps, comme le chaman, quelqu'un qui apprenait aux gens à se remettre en question. Maintenant, alors il y a des psys. Est-ce que les psys c'est bien ou pas? Moi je suis pas un grand fan, mais il y en a des biens, alors faut les chercher. Il y a des trucs comme la communication non violente. Si vous avez l'occasion, ça c'est un truc vachement bien. C'est pas facile, mais la communication non violente, c'est une technique qui permet d'apprendre à communiquer à l'autre en se remettant en question et en apprenant à voir ces choses-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, quoi? Méditation, communication non violente. À la lecture, ça dépend ce que vous lisez, hein. Mein Kampf, ça amène pas au bonheur. Moi, je dirais ça. En tout cas, essayez de trouver L'art, ah oui, si vous faites de l'art, la musique, chanter, c'est déjà vachement bien. Mais globalement, je dirais communication non violente, méditation et des choses de l'ordre de la psychologie, psychothérapie. Faut chercher un petit peu. C'est pas facile parce que ce qui se passe dans notre société, c'est que si on est libre intérieurement, on est libre. Et donc automatiquement, notre société, elle a caché tous ces trucs-là. La méditation, on dit que c'est des sectes. Les psys, c'est tous des tarés qui vous foulent des médicaments. Il y en a, c'est vrai, malheureusement. Tous ces trucs-là, c'est des chiens. Donc la difficulté, il y en a, c'est vrai, ces enculés, ils ont pris des trucs qui sont vachement bien pour prendre du pouvoir sur d'autres. Et donc, si vous voulez être libre, c'est le chemin le plus difficile. Bienvenue au club. On va en chier. Mais si on veut être libre, tous comme ça, il faut qu'on commence par qu'on soit libre dans notre ventre, dans nos tripes. Et donc c'est difficile. Si vous voulez en discuter, je peux vous raconter moi mon chemin, ça vaut que pour moi, mais c'est avec plaisir en dehors. Et je vous souhaite bonne chance si c'est le chemin que vous choisissez, parce que c'est le plus dur, mais c'est le seul où on va bien se marrer. Oui. Ben, je sais pas, elle a 30 secondes pour dire un mot. Oui, 30 secondes. Oui, bonjour, je m'appelle Diana. J'ai une bonne nouvelle, j'ai été prise aux Beaux-Arts à Lille. J'ai eu la réponse aujourd'hui. Et sinon, c'est un truc qui a pas trop de rapport, mais... Par rapport à ce qu'il disait, il y avait quelques mots-clés. En fait, je voulais savoir s'il y avait des gens qui avaient déjà vécu un délire psychotique. Genre croire à parallèle, à la télépathie, trucs comme ça. Ok.